L'infini se contemple indéfiniment. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Ce qu'on appelle la ceinture de Kuiper, qui doit son nom à l'astronome néerlandais du XXe siècle, Gerhard Kuiper, qui avait cru montrer qu'une telle ceinture ne pouvait pas exister, donc ce qu'on appelle la ceinture de Kuiper est formée d'une myriade d'astéroïdes glacés formant un vaste anneau au-delà de l'orbite de Neptune. Cet anneau d'astéroïdes est un vestige des premiers moments du système solaire il y a plus de 4,5 milliards d'années. Des astronomes viennent de découvrir autour d'une toute jeune étoile, à peine âgée de 15 millions d'années, ce qui ressemble trait pour trait à notre ceinture de Kuiper. Dans l'article que Tane Curry et son équipe publient dans les Astrophysical Journal Letters, les auteurs montrent qu'un anneau de débris entoure l'étoile HD 115600, qui nous sépare seulement de 360 années-lumière. HD 115600 fait partie d'un groupe d'étoiles jeunes qui est appelé l'association OB du Scorpion Centaure, et a une masse de 1,5 masse solaire environ. L'anneau de débris découvert se trouve à une distance de l'étoile très similaire à la distance de la ceinture de Kuiper du Soleil, entre 30 et 50 unités astronomiques. La couleur qui se dégage de cet anneau, cette exoceinture, est interprétée par les astronomes comme le signe d'une composition de glace, d'eau et de roche, tout comme ce que l'on trouve dans la ceinture de Kuiper. Des disques de débris autour d'étoiles avaient déjà été observés dans le passé, mais jamais à une distance si proche et autour d'une étoile si jeune. Par ailleurs, les chercheurs ont pu observer une petite étrangeté. Le centre de l'anneau ne correspond pas parfaitement avec le centre de l'étoile. Il se pourrait ainsi qu'une grosse planète soit en orbite autour de HD 115600 avec une orbite allongée et qui aurait pu produire par sa gravitation le décalage observé dans l'anneau d'astéroïdes. Pour faire ces belles trouvailles, l'équipe de Curry a exploité un instrument spécial qu'on appelle un coronographe, monté sur le télescope Gemini South au Chili. Ce coronographe, le Gemini Planet Imager, GPI, permet de masquer la lumière qui arrive au centre de l'optique pour ne regarder que ce qui se passe juste autour. Un tel système permet non seulement d'imager des planètes ou des disques de matière en orbite autour d'étoiles brillantes, mais aussi d'enregistrer le spectre de la lumière qui en est émise, lumière de l'étoile réfléchie. Le GPI venait à peine d'être installé au foyer du télescope depuis quelques mois quand Tane Curry et ses collaborateurs ont commencé à voir cet anneau d'astéroïdes. Le Very Large Telescope de l'ESO a lui aussi été muni d'un imageur coronographe qui est nommé Sphere, et va permettre de faire de nouvelles découvertes de ce type avec plus de sensibilité encore, et dans très peu de temps. Les deux instruments pourront par exemple partir ensemble à la traque de la planète invisible orbitant HD 115600. Une chose est sûre, vu son très jeune âge, HD 115600 est d'ores et déjà devenu un très intéressant laboratoire de ce qu'était notre système solaire dans sa petite enfance. L'article de Tane Curry et ses collaborateurs est à paraître sous peu dans The Astrophysical Journal Letters. Il s'intitule « Direct Imaging and Spectroscopy of a Young Extrasolar Kuiper Belt in the Nearest OB Association ». On en parle également dans Nature News, sous la plume de Ron Cohen, avec pour titre « Nearby Star Host Kuiper Belt Twin », dont j'ai extrait l'image qui illustre ce billet. À très bientôt sur Ça se passe là-haut, prenez bien soin du ciel, hein, on en a besoin, ainsi que de la Terre, elle en a également beaucoup beaucoup besoin. Et à très bientôt donc sur le www.ça-se-passe-là-haut.fr.